Pascal a écouté l'ensemble des deux journées. Peut-être à toi la parole pour quelques éléments pour la suite. Trois mots. Est-ce que tu peux traduire avant que je parle? Donne-moi tes notes. Non. C'est une traduction par anticipation. Bien, c'est very easy. C'est évidemment très facile pour le dernier qui parle. On attend tout le monde qu'ils disent des choses intelligentes. Alors, évidemment, à chacune des réflexions, on a envie de rebondir et on est perdu parce que ça papillonne. Et ce que j'entends dans les discours de beaucoup, c'est que c'est ce papillonnage, ce papillonnement, si on le prend dans un sens positif, puisque le papillon est quand même un joli être vivant, qui fait la richesse de ces rencontres et qui peut-être permet de ramener Walter Benjamin dans nos préoccupations actuelles. Alors, comment faire ? C'est compliqué. J'avais intitulé, alors tu viens de faire une tirade sur le jeu, mais j'avais intitulé, et je trouve que c'est ce qui vient de se passer, un exposé possible qui se serait appelé « Les jeux de l'écoute et du hasard ». C'est une allusion évidemment au marivaudage pour les francophones et qui me semblait une façon de dire ben voilà, ce que je vais vous dire, c'est un peu le hasard de différentes écoutes que j'ai pu avoir et que vous avez vous-même transmis, et le jeu au double sens du terme en français, qui joue à la fois sur son sens ludique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose qui fait que c'est du vivant et qu'on s'amuse, et en même temps le sens mécanique que tu as expliqué tout à l'heure, qui est précisément parce qu'on a des écoutes différentes, des représentations différentes, qu'on met en rapport des choses qui sont de l'ordre du technique avec des choses qui sont de l'ordre du social, avec des choses qui sont de l'ordre du sensible, que se crée du décalage et du jeu entre deux pièces pour qu'une articulation puisse fonctionner. Donc la métaphore du jeu m'apparaît très très forte. Donc, un petit peu au hasard de vos différentes interventions, eh bien, je commence par Bruno, alors c'est sûrement pas un hasard, et par Anne, puisque moi, la première chose que j'ai notée dans toutes mes notes des deux jours, c'est la métalepse. Et comme argument de la contemporanéité de la pensée de Walter Benjamin, comme tu l'as dit, et aussi par rapport à ce que tu disais, j'ai oublié ton prénom, sur justement l'actualité de cette pensée-là pour résister par rapport à toutes sortes de pentes totalitaires contemporaines qui ne sont plus celles des montées du fascisme de l'époque, mais qui sont des montées totalitaires, alors qui touchent peut-être des personnalités, c'est vrai, on voit bien dans différents pays monter des courants, etc., mais on en parle pas mal, mais qui touchent peut-être des choses davantage liées encore aux questions de radio, d'une certaine façon, et qui seraient plutôt ces réflexions sur l'impossibilité de dire l'histoire, de dire l'actualité. Le fait de perdre les mots pour pouvoir dire, parce que ces mots se banalisent, se normalisent et finalement ne s'écoutent plus, mais ne font plus que souillir. En anglais, c'est facile. Ou bien, je pense aussi à ce que tu as dit, toi, sur la menace d'infantilisation, à laquelle moi je suis très très sensible, notamment après ces deux années, c'est-à-dire la tendance très très générale et générique, liée certainement à cette démultiplication de la puissance des médias et à la circulation, l'accélération panique de la circulation de l'information et des réactions des uns et des autres sur les autres, qui fait que on perd les mots pour le dire. Alors, la métalepse, du coup, je reviens là-dessus parce que je voulais t'annoncer, cher Bruno, que Denis Caravane résistait toujours à, tu expliquais que à chaque fois qu'on lui dit vous avez construit un mémorial, il disait non, c'est pas un mémorial, c'est un passage. Mais je dis non, ça n'est pas un passage, puisqu'on a beaucoup travaillé sur cette notion, c'est désormais, et ce sont mes amis grecs qui m'ont soufflé ce vocable-là, un métalepticon. Métalepticon. Parce que le passage, comme tu l'as expliqué, c'est l'aller-retour à sens unique. C'est le paradoxe du passage, c'est le fait que techniquement, dans une représentation normative, géométrique des choses, on peut passer dans un sens et on peut passer dans un autre. Seulement, dans l'imaginaire et dans le vécu, un passage est toujours à sens unique et c'est un changement de niveau, alors d'organisation, de perception, etc., etc. Pour moi, ça renvoie à toute une littérature des années 80 des courants de l'auto-organisation, où on raisonnait beaucoup avec ce concept de changement de niveau d'organisation, qui est exactement l'équivalent de la métalepse dans les domaines de la rhétorique. Donc métalepticon, je trouve que ça tombe pas mal, parce que c'est la métalepse, c'est une façon de dire le passage, il est à sens unique, et on en fait l'expérience, et on en a la transposition, parce qu'il ressaisit le tunnel dans lequel on est plus ou moins tous allés, je pense, hier soir, où avec Julien, on faisait des exercices de sonorisation, etc., et où un endroit très précis, lui, avait un écho flottant entre les deux côtés de la voûte, donc un vous, qui était, parce qu'il doit y avoir 15 mètres au lieu de 17, ou quelque chose comme ça, donc latéralement, dans la réverbération latérale, et ensuite un espèce de mouvement de vague, qui faisait en diffusant, qui partait vers les ouïes. Et on a même sur le plan du phénomène sonore ce paradoxe du passage et ce changement de niveau d'organisation ici. Et puis alors métalopticon, ça tombe bien parce qu'il y a ces méta, l'opticon. Alors on peut mal prononcer, ce qui est aussi une sensibilité phonique, pour avoir les deux sens, puisque métalopticon, ça ferait l'optique, et il y a bien des jeux de lumière, Dieu sait s'ils sont puissants dans cette œuvre, et en même temps c'est haptique au sens de ce qui me touche, c'est-à-dire c'est pas juste le visuel mais le passage à ce qui me touche, d'ailleurs par le sonore, on en a parlé aussi un petit peu, bien sûr. Puis en même temps il y a métal dedans, donc ça tombe pas mal, métal optique. Bon voilà, c'est un peu une boutade, c'est un jeu en plusieurs sens du terme, mais qui ressaisit, je trouve, énormément de choses et qui marque d'une certaine façon la contemporanéité l'immuabilité de ce type de raisonnement, je pense, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne peuvent pas dater parce qu'elles peuvent toujours se transposer avec les changements de perception. Et alors à partir de là que dit 1000 choses. La force de l'anecdote par rapport au discours savant, par exemple, ce que tu as dit tout à l'heure, en disant, moi j'ai enseigné Walter Benjamin, on a tout un discours savant qui est très documenté, qui est très construit, et qui discute des choses, et tout à coup, par l'éparpillement ou l'éclatement des propositions qui ont été faites pendant ces deux jours, un contrepoint au discours savant, au discours épistémologique, ou qui va discuter sur toutes les références et à toute la connaissance historique qu'on peut accumuler dessus, et où finalement, par l'anecdote, par les questions qu'on se pose, pour savoir, mais est-ce que Walter Benjamin a pu passer à Portbou avant, etc., qui sont des trucs finalement complètement anecdotiques, ou bien je fais une promenade sonore avec un discours entre Adorno et Horkheimer, etc., qui va dans les rues, un peu au hasard des rues, sans qu'il y ait de relation choisie ou déterminée, absolue, entre le lieu précis et la parole. Mais c'est une parole qui reste un peu flottante, en même temps qui est très profonde, mais qui est sur les lieux mêmes, donc qui ramène à la sensibilité in situ dont parlait Jules à l'instant. Voilà, je crois que c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup, au Cresson. On a d'ailleurs même formaliser des méthodes, enfin des techniques du recueil d'anecdotes, on appelait ça jadis, qui consiste à recueillir des petits fragments de paroles. Et finalement, c'est quelque chose qui est très proche aussi de la radio, et à les remonter, et la technique du montage, elle est déjà présente là-dedans, pour faire émerger des problématiques, des thématiques qui viennent de bribes de paroles, mais qui appartiennent à un imaginaire collectif, et du coup, qui permettent de répondre à des choses qui ont un caractère universel, qui est aussi fort sans doute que lorsqu'on part de théorèmes ou d'hypothèses qui sont complètement formalisées. Pour ne pas faire trop long, sur ces outils de résistance, moi je pense que c'est une assez bonne formule de dire que en fait on peut aller chercher chez Benjamin, par les biais les plus différents, que ce soit encore une fois la réflexion intellectuelle ou l'installation, etc., avoir des outils qui sont parfaitement performants pour résister ou pour faire avancer notre monde contemporain. Alors la première, c'était la voix, redonner de la voix, et c'est ce que vous avez fait avec les marches, par exemple. Les marches dans la ville, c'était des voix, et c'est réintroduire l'intonation, réintroduire l'épaisseur de la voix, l'accentuation, la façon de rouler les R, disait Jean-Paul tout à l'heure, etc. C'est ensuite la langue. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment d'actualité. Je viens de lire un petit ouvrage de Éric Chauvier qui est extrêmement intéressant et qui est titré « La crise commence ». La crise, donc alors là c'est écrit à l'origine en 2008, mais évidemment c'est un retour, c'est une deuxième édition à ce qu'on appelle la crise, quoi. Il dit le titre c'est « La crise commence là où finit le langage ». Et donc il dit en gros, voilà, tout le monde s'accorde pour parler de la crise, et c'est entendu, mais plus personne ne sait ce que c'est que la crise, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'on a perdu les mots pour le dire. Et donc il y a un travail de reconquête pour inventer, trouver les mots, pour ne pas infantiliser, justement, par exemple, avec l'infantilisation, c'est aussi c'est ce vocabulaire qui se banalise complètement, qui fait une espèce de consensus où plus personne n'écoute rien, mais n'est plus que dans le registre de l'ouïe, de quelque chose qui arrive à l'oreille, mais qui ne fait absolument plus réagir ou réfléchir. Ensuite, il y a le lieu physique. Quelqu'un, c'est toi, je crois, qui a dit, je ne sais pas comment tu t'appelles. Moi, j'étais très sensible, donc ceux qui ne connaissaient pas l'œuvre de Caravane, je pense, ont été assez touchés, surtout si vous avez pu y retourner seul, le soir, à des heures différentes, au petit matin, avec des remous de nature différente, des lumières différentes, etc. Comme disait Bruno, on peut toujours y revenir, et c'est toujours différent, et on refait toujours la même expérience, mais toujours différemment, et ça, c'est du grand œuvre. Eh bien, poursuivons ces réflexions. Moi, je pense que ce monument aussi, dans sa forme, ressaisit la forme du tunnel qui est à côté, et qui est un tunnel de frontières, enfin, avec toute l'histoire du rapport entre Pourbou et Cerbère. Voilà, le lieu physique, la façon de construire, la configuration spatiale, et là ça touche les questions d'architecture, de formalisation d'espace public, etc., est aussi un domaine de résistance par rapport à des façons d'aménager qui sont complètement normées, complètement standards, à la mode, etc., etc. Et je pense aussi, alors j'ai appelé ça l'effet de mémoire, par rapport à la conversation qu'on a eue tout à l'heure avec... ma dernière intervention, mais je vois plus. Je ne sais pas où il est, mais j'ai vu tout à l'heure avec non, c'était. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. C'était avec toi. Sur cette question que je posais sur voilà, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'objet de mémoire au faire mémoire, quoi. Et comment est-ce que dans des techniques d'enregistrement, lorsqu'on veut sauver entre guillemets des paysages sonores qui disparaissent, qui était la pensée des années 70, quoi, qui était logique dans ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, on doit faire évoluer cette question-là, parce qu'on quitte l'obsession du hi-fi et de l'objet fidèle, de la reproduction la plus performante possible, puisqu'aujourd'hui on arrive à des perfections, il y a des illusions possibles. Vous savez que l'IRCAM vient d'inventer un logiciel qui permet de mettre votre voix sous algorithme. Ça veut dire que moi je veux t'agresser ou t'aimer et j'enregistre ta voix et l'algorithme fait, je dis une parole et la machine le retransmet avec ta propre voix, quoi. C'est un exercice qu'a fait Nicolas Frise récemment dans une magnifique performance sur Roland Barthes. Et le début du spectacle, c'est lui qui invente un dialogue entre lui et Roland Barthes. Et évidemment, il a tout écrit. Alors, c'est une pièce radiophonique contemporaine, mais qui met en abîme la chose, puisque son propre dialogue, Roland Barthes, parle. Et on entend absolument Roland Barthes. On a énormément de documents sonores, tout ça. Puis au bout de 5 minutes, il y a Roland Barthes qui dit... voilà, je suis très content parce que j'apprends qu'il va y avoir ce soir un spectacle à 18h38. Alors, regarde sa montre, il est 38. Et à ce moment-là, Nicolas Frise dit, bon, à partir de maintenant, tous les quand vous allez entendre en Roland Barthes, ce sont des vrais documents sonores qui ont été enregistrés. Mais jusque-là, c'était un dialogue complètement virtuel. Et lui-même m'a dit qu'il avait été... un peu affolé quand les gens de l'IRCAM étaient... ouais, hyper content, hyper fier d'avoir inventé un tel logiciel, un peu affolé, en se disant, je me suis senti un peu comme celui qui a inventé la fission et la bombe atomique dans le sonore. Parce que ça veut dire que on va pouvoir faire... Alors, Walter Benjamin, on n'a pas beaucoup d'enregistrements, apparemment, il y en a peut-être un supposé, donc ça va être difficile. Mais tous les gens un peu plus jeunes, on peut leur faire dire, vocalement, et plus par l'écrit, absolument ce que l'on veut. Ce qui change, je pense, radicalement le rapport à la vérité. Bon, mais je suis en train de digresser, de me perdre. Je conclue avec l'idée qu'au fond, ces outils, la voix, la langue, la configuration physique ou l'effet de mémoire plus que l'objet mémoire, eh bien, finalement, ce sont toujours des façons peut-être de compter au sens des comptes et de ce qu'on en a discuté. Et là, j'aimerais finir avec un essai de distinction qui m'est apparu un peu à la fin de l'intervention de Jean-Paul hier sur cette différence et ce jeu de traduction compliquée entre l'allemand et le français, du Erzähler allemand, qui est traduit parfois le conteur, parfois le raconteur, parfois le narrateur. Et moi, je pense que, alors là, je ne sais pas en anglais ce que ça donne, et en allemand, on ne sait pas, mais en français, c'est intéressant d'avoir ces trois mots si on veut bien les mettre et les faire jouer ensemble, me semble-t-il. Et je mettrai du côté du conteur, eh bien celui qui fait en quelque sorte le premier récit et qui va travailler à partir de quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'est pas représentable. Alors ça renvoyait à cette mort du conteur, cette disparition dont parle Benjamin, etc., par rapport au traumatisme des survivants qui n'ont plus de voix parce qu'ils sont morts, ou qui ont tellement vécu, qui sont tellement choqués qu'ils ne peuvent rien en dire, ou inversement, qui ont tellement à en dire que ça ne va pas. Je crois que c'était toi qui racontais le paradoxe entre deux parents dont l'un ne pouvait et ne racontait jamais rien sur ce qu'il avait vécu pendant la guerre, tandis que l'autre n'avait cessé de réciter pendant toute la vie de l'enfant 10 000 faits de guerre, mais de façon complètement éparpillée. Eh bien, pour moi, je réinterprète. C'était pas toi qui l'avais dit, c'était quelqu'un d'autre. Non, mais je l'ai rapporté à cette distinction que j'aime bien chez Yankelevitch entre l'indicible et l'ineffable, c'est-à-dire ce dont on ne peut pas parler parce que on n'a pas les mots pour le dire, et ce dont on ne peut pas parler tant il y aurait de choses à en dire. Et je trouve que le conte est peut-être ce moment premier où s'exprime dans cette tension entre ces deux formes de silence une parole nouvelle et qui serait ce moment du conteur qui témoigne de ce qui ne se dit pas. Et après, le raconteur, eh bien, le raconteur en français, c'est quand même raconter. Donc, c'est le conte, c'est bien quelque chose qui se reprend, qui va pouvoir se réciter, donc se répéter. Et peut-être jusqu'à aller jusqu'au racontard, parce qu'il va tellement être détourné qu'il va complètement perdre son sens ou dire l'inverse de ce qu'il voulait dire au début. Mais le conte, au sens fort du terme, c'est quelque chose qui prend de l'épaisseur dans le temps parce qu'il est raconté, parce qu'il est récité. D'ailleurs, toujours dans des conditions de in situ, de situation très, très, très singulière, très, très, très, très particulière. Et donc, c'est redire, c'est recompter, et c'est dire, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, sur réinventer les mots précis pour dire les choses. Retrouver des mots pour dire des choses dont on n'a plus les mots, parce qu'ils se sont banalisés. Et puis, ben, le narrateur, ben, conter, raconter, ben, il faut narrater. Alors, narrater, ben, c'est très bien parce que on entend barater. La barate, c'est, on a compris que Walter Benjamin, il n'avait fait tout ça que c'était pour gagner de l'argent. Il a dit parce qu'il était obligé, il n'avait pas de boulot, etc. Donc, il fallait qu'il fasse son beurre. Donc, il barate, quoi. Et puis, en même temps, barater, comme il y a le petit bossu qui est derrière, en petit, ça fait baratiner. Donc, vous voyez, ça marche très, très bien. Bon, mais de façon plus sérieuse, je trouve que le narrateur, voilà, c'est le moment où, justement, on fait métalepse. Le moment où le conte qui se raconte, par la répétition, l'épaisseur sémantique qu'il prend, ben, fait basculer à un autre niveau de discours, d'impersonnalisation, je crois que tu disais, Jean-Paul, à un moment d'action, d'altération, on pourrait dire, c'est-à-dire que tout à coup, ça devient autre, et ça dit autre chose, et ça fait émerger du sens, et altérer, on pourrait presque, avec la thèse de Jean-Paul d'hier, et tous les terriens contemporains, l'écrire avec deux R, et jouer sur une terre autre, un métalangage de la terre. Bon, bref, vous voyez que j'essaye de jouer au double sens, comme je disais au début, avec ces trois termes, et où finalement bien, le conte ne surgirait qu'en ce qu'il parviendrait à narrer autre chose que ce qu'il raconte. Et c'est ma phrase de chute. So it's impossible. C'est à peu près, elle est dans la même situation que moi tout à l'heure, hein, quand même. Et je compte bien qu'elle raconte autre chose que ce que je viens de dire en anglais. So I might jump between one part and the other of what you just said, Pascal. So I just start with the beginning. So Pascal said that one of the ideas that he heard at different moments of the symposium that different speakers would share is this idea of play. So he was mentioning, so the Marivaux play in English, Jeu de l'amour et du hasard, so Pascal said, plays of hearing, listening, and chance, as a kind of a play with this title he was doing. He thought that a lot of presentations were about this play between life and what was it? So actually, it's about life and play mainly, and this play between different fields like technique, the social, and the sensible, So what, yeah, he wants to say is there is play in what we're doing together, in what Benjamin injects in thinking. Then he was pointing the fact that by this play, in this play between categories, between different disciplines, there is first an opposition between anecdotes, fragments, anecdotes, and scientific discourse or academic discourse. And Pascal really thinks that fragments and anecdotes are really important as a counterpoint to academic discourse and scientific discourse. And he likes the fact that sometimes in these anecdotes there are no direct relations between place and words, place and the language that has been developed in these works, for example. And he was mentioning the work of the Cresson about this kind of anecdotes, fragments of speech that were extracted from reality. And in a kind of technique that is similar to radio, a technique of montage, were put together in a kind of synthesis that would reveal something that is more universal than what the material was extracted from at the beginning. So then, Pascal also mentioned what has been said about contemporary aspects of Walter Benjamin's thought, about the rise of totalitarian ways of thinking today, and what would happen today on the radio would be one aspect of it. He was mentioning what I said about infantilization of people today, and he was saying that actually there is crisis, there is a real problem when the words are missing. So maybe when there is no play anymore and when the words are missing to tell the situation. C'est le totalitarisme contemporain. It's contemporary totalitarianism, according to Pascal. So the concept, and sorry I was not there when Bruno explained it, or Anne Roche, maybe the concept of metalapse. So that is for Pascal really central to what was discussed during the symposium. So this concept of metalapse in rhetoric, he really sees that a very fruitful concept to understand the passage, the arcades in Walter Benjamin's writings. The fact that when you have a passage, actually it's a return. You know, you can go one way and come back, but actually it's always about this one way. And this one way is always different. There is always a change. There is always a difference between one experience of the passage and another experience. So there is a change of level of perception each time you walk through the passage. So there is a reenactment of actually this idea of the passage in different experiences. He was mentioning the tunnel that we were brought to yesterday during one walks. It was a kind of a different reenactment of this idea of the passage. And he was also mentioning more precise sound phenomena that were could be experienced there, and also the very powerful symbolic or metaphor, the boundaries that we could experience in the tunnel. So in a way, we can always come back to the monument, to this monument, to Walter Benjamin, and always have a different experience. And then this relates to another part of what Pascal said in terms of voice and narration. So part of the resistance strategies, like political resistance strategies, is to give voice, to focus on voice, to give voice in its different tones, tonalities, in its depths, maybe also fragilities. He was mentioning a book he read recently by Eric Chauvier, I'm translating here the title, The Crisis Starts Where Language Stops, on the fact that as long as you know, you give voice and you can have words for phenomena, you can escape crisis. But as soon as you don't have the voice and you don't give voice anymore and you don't have words, then you would have a crisis. And then Pascal was mentioning memory, and there were different presentations about these ideas of memories, fragments of memories that come back through these recordings and through radio. And he was he explained already today the fact that there was a difference between a kind of objective aspect of memories. So summarized objects in their objectivity, in their hyper-realism, in a way. And he was mentioning an experience on the radio with Roland Barthes, and it was a fake voice of Roland Barthes, and the staff from the EARCAM were almost shocked themselves by the instrument they created to create this hyper-realistic voice of Roland Barthes. So this is the new shock, Benjamin shock today. And actually, in the afternoon, he was making a difference between this kind of objectified memory and a more situated memory in its landscape, like the postcard you were mentioning that the Cresson was working on. So this memory of an object in their landscape, in their context. And in relation to that, Pascal was mentioning the work by Walter Benjamin about the narrator, and the fact that in French, when you try to translate Der Erzähler, you have three words for it. You either have conteur, narrateur, raconteur. So by definition, I can't translate it back. But conteur in French would be the kind of stories that can't be narrated anymore after World War I. The raconteur, raconter a story, would be about the ability of telling this story in a different way, each time in a like actual way, in a contextual way, and to return, raconter. So art in French is to do again, so to tell again the story in a different way, in its depth, you mentioned. So this possibility of telling the story differently and again and again. Que je n'ai pas dit. Don't add too much. Oui. Non, c'est que pour moi, je pense qu'il faudrait rediscuter aussi avec Anne, mais avec le germaniste hier, mais Erzähler. En traduction, ce serait conteur. Ce serait conteur. Justement, mais avec P. Oui. Alors, je joue parce que le R dans Erzähler, ça veut dire littéralement sortir de ce qui est comptable, quoi. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que le conte, c'est la meilleure traduction. Mais que dedans, il y a les connotations du re-conter, mais avec C-O-N-T-E-R, et du narrer qui est le changement de niveau, quoi. Et je pense que le Erzähler, c'est une façon en français de déployer le sens du mot de façon active. Laurence. And the conclusion is that it's important to tell something something else than what it narrates. Is it correct? So it's about telling again the story and each time to tell something else than what it narrated first. Mm-hmm. Yeah, is it correct? Mm-hmm. Thank you. De rien. Thank you, Pascal. Thank you, Pascal and Lawrence for this opening. And thank you, Jules, Sébastien and Cédric for your work. And now we try to make some sonic files about all of that for the website of BR. But now I think it's time to have a drink now. And maybe tonight we just meet together and chez Antonio for a first drink. Or a last drink, I don't know. And thank you very, very much at all.